Ya. On a les nerfs. Sinon on te culpute. J'ai la rage de pute pour le fils de pute. Rage-toi si tu veux pas manger la rape en Belzébuth. Arrête de pratiquer de la flûte, sinon on te culpute. J'ai la rage de pute pour le fils de pute. Rage-toi si tu veux pas manger la frappe en Belzébuth. Si ce dog à la mode, mon frère petit tu est à la mode. Ce monde part en couille, écoute bien, c'est le champ de la débrouille. J'rentre dans le rap à l'aide des petites biches. De nos jours, ça tue pour rien, ça sort les armes. Certains se sont fait canner pour moins de 3000 Mon rap pas des couilles, j'ai pas besoin de douiller pour finir de racketter dans ton quartier. Dans ma vie, j'ai rarement fait des conneries. Mon frère passe les rapports, plus vite les rapports. Une rafale de clash, pop pop pop pop pop pop. Ça y était mort. Dans mon vécu, c'est l'autopsie du rap français. Le son de la guerre est lancé. Mais c'est putain d'état français. Certains toxicos, faut que sniffer. Les pédophiles, faut les étrangler avec leurs écharpes. Ça fait les voyous, ça assume pas et ça s'échappe. Ça se porte le pervers, ça sniffe la galère. Chaque jour, les boucas se font égorger à coups de cutter. Y'a trop de PD sur terre. Arrête de pratiquer ta flûte, sinon on te culpute. J'ai la rage de pitbull, fils de pute. Rage-toi si tu veux pas manger la frappe à Belzébuth. Arrête de pratiquer ta flûte, sinon on te culpute. J'ai la rage de pitbull, fils de pute. Rage-toi si tu veux pas manger la frappe à Belzébuth. On a tous des faiblesses. Depuis petit, les chétans nous tient en laisse. La faucheuse nous poursuit. Nous on la regarde et on rit. Nous on la délaisse. Dès que l'état, on la baisse. Le mic c'est mon arme. Je te fais un freestyle de toi rime pour t'arracher ton arme. Kéo Kéo.